Parce que... Je parle. Elle est enfermée. Le 30 décembre, il est 8h15, la revue de presse internationale Henri Selvan. Le chaos. Le chaos et la désolation, la guerre, l'insurrection, la révolution, la guerre civile et fratricide. Voilà quelques-uns des termes qu'on peut lire ce matin dans la presse européenne, où les journalistes incrédules commentent une situation inédite qui n'en finit pas de dégénérer. De guerre civile, le quotidien italien Testa di Gatto Merdoso ne fait pas mention, mais insiste Giordano Cullo, son éditorialiste bien connu. Il est clair que la France doit choisir entre une situation ingérable socialement et politiquement et une réaction rapide du gouvernement. Punir les responsables, maintenir l'ordre, respecter la loi, telles sont les références avancées par le journal italien. Beaucoup plus ironique, le quotidien anglais de Madafaka titre « And now » à la lune. Et maintenant, à la une, pardon. Et maintenant, donc. En précisant que les Français paient aujourd'hui le prix de la politique européenne désastreuse du gouvernement Chirac, qui s'est maintenu à distance d'une réflexion suffisamment libéraliste pour contenter à la fois les masses et le patronat. Très alarmiste, l'hebdomadaire communiste portugais Ram de Nevum rejette clairement la faute sur la politique sociale française, une politique, je cite, « basée sur l'exclusion, le mépris des classes laborieuses et l'exploitation toujours croissante de la misère ». Il est clair, continue le journaliste, que la France connaît en ce moment une des pages les plus sombres de son histoire et qu'il appartient au peuple français de changer la donne économique tout en se réconciliant. Enfin, beaucoup plus pragmatique, le quotidien suisse La Lenteur s'inquiète des conséquences économiques que la situation française entraîne chez son voisin helvète. Les banques sont prises d'assaut et les Français font la queue pour ouvrir un compte chez nous, commente le journal. Un constat d'autant plus amer, comme le signale le mensuel suédois Kreutz, que les caisses de l'État ne pourraient pas maintenir un tel niveau d'alerte bien longtemps sans relancer la machine économique. On le voit, la tendance est à l'inquiétude et l'on décèle ça et là quelques remarques polies des journalistes à l'égard de leur propre gouvernement. Et si c'était nous, s'interroge le plus grand quotidien. Il est 21h54 sur FPI, nous allons interrompre notre émission un peu plus tôt que prévu pour laisser place à un flash spécial d'information avec Amaya Ferratini. Bonsoir, FPI interrompt ses programmes car on vient d'apprendre que le président a décrété l'état d'urgence. Il s'apprête d'un instant à l'autre à faire une déclaration solennelle à la nation. On ne sait pas encore quel sera le contenu du message de Jacques Chirac, mais il s'agit d'ores et déjà d'une annonce historique. FPI a bien entendu mis tous les moyens à disposition pour vous permettre de vivre cette déclaration en direct dans quelques minutes. Cette déclaration est sans doute suscitée par les terribles événements de la journée, par les incroyables événements de la journée. Paris n'avait pas connu de telles scènes de violence depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est bien plus des images de la Commune de 1871 qui viennent à l'esprit. Le dernier bilan des affrontements entre l'armée et la foule amassée porte de Bagnolet fait état de 35 morts et de plusieurs centaines de blessés, parmi lesquels plusieurs de nos confrères journalistes. Officiellement, les militaires se sont contentés de tirer des balles en caoutchouc, mais cela aurait créé un mouvement de panique et c'est dans cette bousculade que les victimes auraient trouvé la mort. Et avant cette terrible aggravation de la situation, je vous rappelle qu'un photographe de l'agence Epsilon a trouvé la mort cet après-midi lors d'autres émeutes au commissariat du 20e arrondissement. Alors qu'on me signale que le président s'apprête à prendre la parole en direct du perron de l'Élysée, je vous laisse écouter la déclaration de Jacques Chirac. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis consterné par ce qui se passe actuellement. Et ma première pensée ira, vous l'imaginez, aux victimes innocentes de cette situation. Nous ne voulons pas laisser se développer un système qui ne pourrait véritablement conduire qu'à l'anarchie ou un régime de nature fasciste. Je suis naturellement et toujours partisan de ce que j'appellerai respectueusement la palabre, respectueusement, c'est-à-dire le dialogue, la conversation entre chacun, même si actuellement, il faut bien reconnaître que les conditions ne sont pas très...